Le culte d'Eros par Charles-Henri Hirsch. Monsieur Tassilly était arrivé de nuit à Vernol. Le lendemain, le village sut qu'il avait installé une femme de Paris au château. Elle avait des cheveux rouges. C'est une pas grand-chose, dit l'opinion publique. Sur la foi d'un laquais chassé, elle précisait plus tard, c'est une danseuse. Quoi, pareil au même que celle de la foire, qui manigance sur une corde? Nul, cependant, ne l'avait vue lorsqu'au bout d'une année on apprit sa mort après d'épouvantables souffrances. Le curé répéta ces mots du châtelain, qui l'avait si fort troublé, comme il passait le seuil de la chambre d'agonie apportant le viatique. « Ah, faites vite, monsieur le curé, vous allez administrer une grande pécheresse, sanctifiée par la douleur. » Il révéla sa merveilleuse beauté, le sourire surnaturel dont elle parut illuminée aux approches de la fin. Et quel désespoir immense jeta M. de Tassy sur le plancher d'où il se releva, sanglotant, pour demeurer à genoux, des heures, les lèvres sur la main inerte et cireuse. La livrée porta le corps à l'église sous la moisson des roses de Vernol. M. de Tassy le suivait en pleurant, courbé, le menton sur la poitrine. Il tomba de son prie-dieu durant l'office, et il fallut l'emporter dehors, évanoui. Il recouvra les sens après 2 jours de torpeur et l'homme jeune qu'il était encore, à 40 ans, devint un vieillard blême, pitoyable, qui semblait constamment regarder en soi, tant ses yeux ternes dédaignaient de voir les gens, les bêtes et les choses. Il montra quelque activité pour surveiller l'érection du tombeau de marbre blanc qu'il fit bâtir en mémoire de l'inconnu, et il s'enferma dans son château. Des amis l'y venaient visiter. Ils pensèrent l'avoir guéri de ses chagrins, parce qu'il accepta de chasser en leur société ou les invitait à tirer le faisan dans ses bois. Plusieurs filles pauvres furent généreusement dotées par lui. Il récompensa les mères des plus beaux enfants, et partout il vantait l'amour comme l'unique joie terrestre, avec une gravité simple qui rendait songeurs les fiancés. On le consulta sur les mariages, et il éludait les réponses en vrai gentilhomme de bonne souche, affable et discret. Il prorogeait volontiers les délais demandés par ses fermiers à des moments difficiles, et il avait la politesse de s'intéresser au relèvement de leurs affaires lorsqu'il parvenait à le payer. Cependant, contribuer au bonheur d'autrui, c'est le rôle exclusif des vieilles personnes déshabituées de l'agrément de flatter leurs propres passions. La santé revenue à M. de Tassilly, les passe-temps vertueux n'épuisèrent plus ses forces nouvelles. Pour s'assagir, il entreprit chaque matin de longues chevauchées par la campagne. Il y gagnait un appétit d'ogre qu'il avait plaisir à satisfaire. Le sang colora son cou, les flammes de ses regards trahirent les aspirations secrètes de sa seconde jeunesse, et peu à peu, on le vit se redresser, sortir en bel équipage, au lieu de laisser ses chevaux étouffer de graisse à l'écurie, et il récupéra enfin cette haute mine qui oblige le paysan à saluer bas. Un soir, Douvernol s'émut d'apprendre que le hobereau partait pour Paris. Un autre soir, 15 jours après, la population commentait le retour du châtelain. Monsieur de Sassy s'habitua tant à ses voyages que son docteur lui en représenta le danger si leur objet n'était pas soumis au contrôle d'une hygiène sévère. Les absences du gentilhomme furent brèves par la suite et bimensuelles jusqu'à ce qu'il ne reparût d'un trimestre entier. Il lui avait fallu ce temps pour convaincre Mademoiselle Lolotte Couvet qu'elle ne s'ennuierait pas à Vernol. Comme autrefois la dame aux cheveux rouges, elle arriva de nuit. Mais plusieurs figures attirées aux lucarnes et aux fenêtres par ses éclats de rire cascadants discutèrent aussitôt ses mérites. Sous la chanson des feuilles qu'un petit souffle agitait, cela fit une rumeur basse comparable dans le calme au rite suscité par le vent à la surface d'une eau tranquille. Les avis n'étaient point favorables à Mademoiselle Lolotte. Il blâmait M. de Tassy avec une réticence déférente, très propre à la rendre plus sensible aux propos verts qu'elle inspirait, si elle eût compris ces villageois bouffis de sommeil, dont les faces rondes apparues au clair de lune la mettaient en gaieté. Mademoiselle Lolotte était une personne considérable et tapageuse. Les domestiques du château assurèrent qu'avec elle, M. de Tassy n'emmenait pas large. Il portait beau, cependant, lorsqu'il la conduisait en calèche. On remarqua toutefois qu'elle s'épanouissait dans l'exacte proportion où son ami fondait. Au bout d'un an, il était réduit de moitié. Ses os perçaient, il menaçait d'avaler ses joues en respirant, mais la plus vive lumière brillait dans ses yeux, lorsque son ami le quitta pour suivre un hussard sanguin, dont le peloton avait cantonné Avernol en manœuvre. Monsieur de Tassy la pleura au point d'éteindre la suprême lueur de ses prunelles, et il apparut courbé comme naguère, jaune de peau et méditatif. Il voua ses forces déclinantes aux bonnes œuvres qu'il avait un peu abandonnées pour cette ingrate. Un air de vertu purifia le château. Vernol, à sa base, communiait dans un hymne de reconnaissance apitoyée, dont l'écho n'adoucissait point les peines de Monsieur de Tassy. La trahison de Mademoiselle Lelotte lui tenait moins à regret que le trépas prématuré de sa première et mystérieuse maîtresse. Il se reprocha de l'avoir trop oublié, fit sculpter un amour en pleurs dans le marbre clair de son sépulcre, et l'après-midi, il vint rêver devant le symbole ingénu où il reconnaissait la tristesse infinie de ses mécomptes sentimentaux. Quand l'ombre avait tourné au pied des cyprès, vers 5 heures, en automne, il regagnait sa voiture au bras de son valet de chambre. Monsieur de Tassy emportait en soi quelque chose de la paix amicale du cimetière. Elle l'invitait à aimer la vie jusqu'en ses amertumes. Il s'émerveillait de s'être détaché naturellement d'une passion et d'avoir pu verser des larmes pour la sensualité d'une Lelotte. Et il se disait que la faible part de la raison aux actes décisifs d'une existence conserve des exemples de générosité parmi les hommes. Il fut troublé de voir sur le tombeau des fleurs champêtres qu'il n'y avait pas déposées. L'hommage se renouvela, du même bouquet assemblé sans goût, volumineux, lié d'une corde de paille, et qui mettait sur la stèle polie plus de joie éclatante que toutes les roses des parterres de Vernol. Monsieur de Tassy s'en fit au hasard pour découvrir l'auteur de cette offrande délicate. Un matin, il surprit que c'était une petite vachère, assez nigaude. Elle le salua en rougissant, les doigts affairés à sa ceinture. « C'est toi qui apportes des fleurs, la Louise ?»« Oui, monsieur. Pourquoi ?» Son air malicieux la fit sonner presque jolie. Elle se mordait les lèvres, regardait le bout de ses sabots et elle se dandinait. « Eh bien, la Louise, pourquoi ? Tu ne l'as pas connue, celle qui dort là. Pourquoi lui apportes-tu des bouquets ?»« Eh, monsieur !» C'est rapport au petit enfant tout nu qui est taillé dans la pierre, que l'instituteur a dit à la ferme un soir que c'était le petit bon Dieu des amours. Et comme j'ai mon Pierre au régiment, j'y fais des cueillettes et des fleurs au champ pour qu'il n'oublie point ses promesses. Après une étape familière à la joue, M. de Tassy la laissa partir. Il songea qu'il avait restauré le culte d'Eros, qu'il lui avait décoché pourtant de si mauvaises flèches. Cette idée le contenta sur l'instant, et il dut la porter longtemps en lui. Il advint, lorsqu'il décéda, comme le dernier rougeoiement des braises blanchies dans la cendre grise, que la petite vachère reçut en legs la ferme de ses maîtres, et les fiancées de Vernol apprirent qu'à 3 d'entre elles, chaque année, échéraient une dot de 1 000 francs, pourvu que l'enfant-dieu ne manquât jamais de fleurs. L'enfant-dieu, qui amuse les enfants des hommes, perpétue leur race et les maltraite à sa fantaisie. Ainsi s'achève le culte d'Eros de Charles-Henri Hirsch.